je n'ai rien à prouver. Je sais pas pourquoi je ferais ça. Tu me cherches, tu vas pas me trouver. Je suis en train de faire les ma pizza. Oh oui, en ce moment tout va mal, mais ça va. On me dit souvent. Lève-le.